Le serpent. 1. Trop long. 2. La 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Le ver. En voilà un qui s'étire et qui s'allonge comme une belle nouille.